Chapitre 24. La tireuse de cartes. Noé Poisson, aidé d'ailleurs de Crébillon, n'eut aucune peine à persuader à Jeanne de rendre une visite à Madame Lebon, la célèbre tireuse de cartes. Depuis la soirée de l'hôtel de ville, Jeanne vivait dans l'attente d'un grand événement, lequel elle ne savait pas, mais elle pressentait qu'il allait lui arriver quelque chose d'extraordinaire. Ces quelques jours furent relativement heureux pour elle. Henri d'Étiol, son mari, le lendemain même de la fameuse fête, avait annoncé qu'à son grand désespoir, il était obligé d'entreprendre un voyage. Et il était parti, emmenant son nouveau secrétaire, dont il ne pouvait plus se passer, François Damien. Jeanne se trouva donc seule dans le somptueux hôtel en compagnie de Madame Duhausset. Monsieur de Tournehem venait la voir tous les jours. Et c'était cette fois avec une absolue sincérité qu'elle pouvait répondre aux questions inquiètes de son père. « Oui, je suis heureuse, heureuse vraiment, au-delà de tout ce que je puis dire. » Monsieur de Tournehem n'en demandait pas davantage. Cet homme, dont la vie était brisée, n'avait plus qu'un but auquel il eût tout sacrifié, le bonheur de Jeanne. Il était triste des tristesses de son enfant, il riait de la voir rire et, en un mot, il ne vivait plus que par elle. Il ne pouvait concevoir comment Jeanne avait pu trouver le bonheur dans une union avec un être tel que son neveu Henri. Non pas qu'il ne soupçonnât le cœur ou l'esprit d'Henri d'Étiol, mais enfin, laid, contrefait, presque difforme, comment avait-il pu inspirer de l'amour à cet être de grâce radieuse qu'était Jeanne. Son bonheur, pourtant, était indéniable. Jamais, depuis son retour en France, Tournehem ne l'avait vue si gaie. Elle jouait follement avec son ami Duhausset, recevait une société nombreuse et choisie, se montrait étincelante de verve et d'esprit. Et chacun, en la quittant, emportait l'impression que c'était la plus adorable maîtresse de maison qui fût à Paris. Un jour, une semaine après la fête de l'hôtel de ville, Tournehem lui proposa une excursion près de Paris. « Avec Louise ?» demanda Jeanne en battant des mains. Louise, c'était Madame Duhausset, une jeune femme blonde, effacée, admirable musicienne, douée de caractère, se pliant à toutes les fantaisies de Jeanne, dont elle était l'amie plutôt que la gouvernante. Car tel était le titre officiel de sa fonction, dans l'hôtel du quai des Augustins. Non, répondit Monsieur de Tournehem, nous serons seuls si tu le veux bien. Pour une fois, je veux t'avoir à moi seul. Après cela, tu vas peut-être dire que je suis égoïste. Jeanne, pour toute réponse, l'embrassa tendrement. Ils partirent. 2 heures plus tard, le carrosse qui les emmenait traversait Versailles et s'arrêtait à la clairière de l'Ermitage. Monsieur de Tournehem mit pied à terre. Jeanne le suivit. La clairière était maintenant jonchée de feuilles rouges. Les arbres dépouillés tordaient leurs bras maigres dans un ciel gris. Une sorte de tristesse pesait sur la nature, mais non sans douceur. Jeanne prit le bras de son père, soudain attendri. « Allons voir ma mère » murmura-t-elle. « C'est là que je te conduisais, mon enfant » dit gravement Monsieur de Tournehem. Quelques minutes plus tard, il s'arrêtait devant la dalle de marbre, la tombe solitaire au fond des bois. Jeanne se mit à genoux sur les feuilles mortes. Monsieur de Tournehem la laissa rêver et traduire sa pensée en balbutiements tendres qui s'envolaient vers celle qu'elle n'avait pas connue et qui avait tant souffert. Lorsqu'elle se releva, ses yeux étaient humides. Tournehem la contempla avec une expression d'indicible tendresse. Puis il lui prit la main. « Mon enfant, dit-il, ici même, j'ai bien souvent renouvelé le serment de réparer le mal que je t'avais fait. Ta mère, dans son dernier regard, m'a commandé de veiller à ton bonheur, et c'est à ce bonheur que je me suis consacré tout entier. Eh bien, à ton tour, ma Jeanne, de faire ici un serment. » « Dis-moi si j'ai réussi. Dis-moi si mes efforts ont abouti. Enfin, si réellement tu es heureuse. » « Oui, mon père, je le suis, » dit Jeanne d'un ton pénétré. « Jure-le !» fit M. de Tournehem en plongeant ses yeux dans les yeux de sa fille. « Je le jure !» dit Jeanne avec un tel accent de sincérité qu'il était impossible de conserver un doute. Et ce qui se présentait à ce moment à son imagination, c'était un beau cavalier qui se courbait devant elle et qui disait « Je vous aime !» Et c'était Louis, le roi de France. Ce rêve inouï s'était accompli. Elle était aimée de Louis le bien-aimé. Là était tout le secret de ce bonheur qui étonnait Tournehem, bonheur intense qui la faisait resplendir, et de cette joie, de cet esprit étourdissant qui débordait d'elle dans les soirées de l'hôtel d'Étiole. Ces soirées étaient en quelques jours devenues à la mode. Les peintres et les poètes de l'époque y affluaient, et le bruit ne tarda pas à se répandre dans Paris que Madame d'Étiole était l'étoile de tout ce monde poudré, papillonnant, spirituel, aimable et léger. Tournehem et Jeanne rentrèrent dans Paris et la vie continua. Fêtes brillantes, jeux raffinés, soirées étincelantes où Madame d'Étiole brillait d'un éclat incomparable. Henri d'Étiole était toujours absent. Voilà dans quel état d'esprit se trouvait Jeanne le jour où le digne Noé Poisson lui proposa d'aller interroger la tireuse de cartes. Jeanne accepta aussitôt, voyant là une sorte d'escapade. Elle irait à pied, le soir, entre Noé Poisson et Crébillon, ce serait charmant. Au fond, un peu de trouble lui venait. Connaître l'avenir, quelle folie! Elle savait bien que la Lebon n'était qu'une vulgaire débitante d'illusions, faisant payer fort cher le semblant de bonheur qu'elle vendait à ceux qui la consultaient. Car tout le secret de sa vogue était là. Jamais elle n'annonçait de malheur ou de tristesse. Jeanne, pourtant, esprit subtil et supérieur, Jeanne, élevée dans un milieu sceptique et léger, n'en conservait pas moins, tout au fond d'elle-même, une sorte de naïveté. Elle ne croyait pas, mais elle n'eût pas demandé mieux que de croire. Le soir venu, ils partirent tous les trois. Jeanne, encapuchonnée de soie, toute heureuse d'avoir peur, Poisson, grave comme un ambassadeur, et Crébillon, sourdement inquiet. À 9 heures, Jeanne fit son entrée dans le salon de Madame Lebon, au moment précis où une femme en sortait par une porte dérobée. Cette femme, c'était Héloïse Poisson. Elle était au courant de la visite que Jeanne allait faire, et elle venait d'avoir avec la tireuse de cartes un entretien fort long et fort sérieux. Ce salon de la Lebon était connu de tout Paris. C'était une pièce luxueusement meublée où elle avait disposé, avec un art consommé, les divers objets qui pouvaient frapper l'imagination de ses visiteurs, lézards et hiboux empaillés, des fioles mystérieuses sur des consoles de prix, un alambic sur une table de boule et enfin, au milieu du salon, sur une petite table qui était une merveille d'élégance et de richesse, un jeu de cartes. Le salon était faiblement éclairé, et Jeanne, malgré tout son scepticisme, était impressionnée et émue. Noé Poisson et Crébillon étaient remontés dans le grenier. Jeanne avait remarqué qu'au moment de la quitter, le digne Noé avait la larme à l'œil. « C'est un peu de vin qui lui sort des yeux !» pensa-t-elle. Là, Lebon, vêtu d'une robe de soie, fort cérémonieuse et fort imposante, fit son entrée et, tout de suite, « Voulez-vous, madame, prendre la peine de vous asseoir à cette table ?» Jeanne prit place à l'endroit qu'on lui indiquait. La tireuse de cartes s'assit en face d'elle. Elle avait une physionomie grave et assez douce. Elle ne mettait dans ses attitudes que juste ce qu'il fallait de mystère pour émouvoir ses visiteurs, mais pas assez pour les effrayer. C'était une cartomancienne de bonne compagnie. « Que désirez-vous savoir ? » demanda-t-elle à Jeanne en se mettant à battre les cartes. « Tout !» répondit Jeanne. « Donc, le passé, le présent et l'avenir. Je vais vous dire les trois. » fila Lebon avec une admirable simplicité qui vraiment était du grand art, comme si rien n'eût été plus simple et plus facile. En même temps, elle étala les cartes sur la table et reprit. Voulez-vous que nous commencions par le passé, par l'avenir ou par le présent ?»« Voyons d'abord le passé, » dit Jeanne en riant. « Puis nous suivrons après l'ordre chronologique. » Jeanne riait, montrant les perles nacrées de ses petites dents, très amusée, très intriguée. Mais tout à coup, le rire se figea sur ses lèvres et elle pâlit. En effet, la Lebon, peut-être pour frapper un grand coup, venait d'abattre les cartes et d'une voix grave, solennelle, significative, elle disait « Le roi, madame, vous avez un roi dans votre jeu. » « Le roi ?» murmura faiblement Jeanne. « Voyez-vous même, madame, je dis que vous avez un roi dans votre jeu, et il est figuré par la carte que voici. Malheureusement, je ne puis vous dire quel est ce roi, s'il commande un grand royaume ou si c'est un prince de second rang. Mais sûrement, cette carte est la plus puissante qui soit, et c'est la première fois que je la tire ainsi du premier coup depuis 20 ans que je consulte les cartes. » Jeanne demeurait stupéfaite et agitée. « Ainsi, dit-elle, vous ne savez pas de quel roi il s'agit ?»« Non, madame, dit sérieusement la Lebon. » Cette assurance formelle rassura un peu Jeanne, qui reprit. « Eh bien, puisque je ne le sais pas plus que vous, veuillez continuer. La suite nous la prendra peut-être. » « J'en doute, » fit la Lebon en manipulant les cartes. Et elle annonça au fur et à mesure qu'elle les abattait. « Dans le passé, madame, je vois des larmes dans vos jolis yeux. Que se passe-t-il ? Ah, voici. Le roi dont il s'agit est malade. Vous pleurez. Le voici guéri. Oh, mais vous pleurez encore ? Voyons, veuillez couper de la main gauche et nous allons savoir d'où viennent ces larmes. » Jeanne obéit d'une main tremblante. Ce qu'elle entendait lui paraissait tenir du prodige. « Vous avez pleuré, reprit la tireuse de cartes, parce que vous avez eu peur de ne pas être aimée du roi. » Jeanne poussa un léger cri étouffé. « Et puis, continua la Lebon, je vois un mariage. Quelqu'un vous force à ce mariage. L'homme que vous devez épouser est pourtant un digne gentilhomme en qui vous devriez avoir toute confiance, mais vous le haïssez. » « Passons au présent, » dit Jeanne en pâlissant. Le présent, dit la Lebon, après avoir manipulé les cartes, est plus gai que le passé. Vous aimez et vous êtes aimé. Vous en êtes sûre, on vous en a fait l'aveu. Voulez-vous, madame, me faire l'honneur de me dire si je me trompe ou si je suis bien sur la voie ? Si je me trompais, il faudrait employer un autre jeu. Non, non, fit vivement Jeanne. Peu importe d'ailleurs que vous vous trompiez. Alors, il nous reste à chercher l'avenir. Oui, dites-moi l'avenir. Et plus bas, en elle-même, elle répéta, profondément troublée. L'avenir, heure ou malheur? À ce moment, la pendule du salon sonna la demi de 9 heures. Au dehors, Jeanne entendit le bruit d'un carrosse qui s'arrêtait sous les fenêtres de Madame Lebon. La tireuse de cartes, elle aussi, avait entendu ce bruit. Elle sourit imperceptiblement, tandis que Jeanne suivait d'un regard anxieux ses mains qui battaient et rebattaient les cartes. La Lebon reprit au bout de quelques minutes, pendant lesquelles elle parut s'absorber dans un profond calcul. « Si le passé est plein de larmes et le présent plein de gaieté, l'avenir, madame, est plein de magnificence et de rayonnement. Le roi vous aime. J'entends le roi signalé par les cartes. Le roi vous attend. » Le roi m'attend, murmura Jeanne éperdue. C'est ce que disent les cartes, madame. Moi, je ne sais pas. Je ne fais que répéter. Et les cartes me disent que vous devenez presque une reine. Assez, madame, dit Jeanne en se levant, d'un ton de souveraine dignité. La tireuse de cartes vit qu'elle avait été trop loin. Une inquiétude visible se répandit sur son visage. « Madame, murmura-t-elle, si je vous ai offensée, je vous supplie de vous rappeler plus tard que je n'y ai mis aucune intention maligne. Vous m'avez demandé de vous dire l'avenir, Je vous l'ai dit tel qu'il est indiqué, rigoureusement, et ce n'est pas ma faute si... » « Rassurez-vous, Madame Lebon, fit Jeanne, je ne suis nullement offensée. » Elle demeura une minute pensive. « Et, reprit-elle en hésitant, vous croyez vraiment que vos cartes disent la vérité ?»« Aussi vrai que vous êtes ici devant moi, madame. J'ai eu des exemples si nombreux et si frappants que je suis bien obligée de croire. Et d'ailleurs, ajouta la tireuse de cartes, exercerais-je cet art presque divin si je le savais mensonger ? » Jeanne, pour cacher son trouble, tira sa bourse et interrogea la Lebon d'un regard. La cartomancienne faisait généralement payer très cher ses consultations. C'était 5 louis, quelquefois 10 et parfois même davantage, selon la situation des crédules et naïfs consultants. Mais cette fois, elle avait peut-être jugé qu'il ne s'agissait plus de louis. Lorsqu'elle vit Jeanne sortir sa bourse, elle eut un geste discret et esquissant une belle révérence. « Madame, dit-elle, ne me gâtez pas ma soirée. Je suis trop heureuse de vous avoir reçue dans mon modeste logis et j'en garderai un impérissable souvenir. C'est là tout le paiement que je veux avoir de vous. » « J'enverrai un objet d'art à cette bonne femme, » songea Madame d'Étiolles. « Merci, madame, » reprit-elle à haute voix. « Croyez que, de mon côté, je garderai un charmant souvenir de ma visite chez vous. Mais où sont mes deux cavaliers ?»« Ils vous attendent sans doute dans l'antichambre. » En effet, Noé Poisson et Crébillon étaient là. Ils étaient descendus du grenier lorsqu'ils avaient entendu le carrosse s'arrêter sous les fenêtres. Jeanne remercia encore la Lebon, qui se confondait en révérence, puis tous les trois sortirent et descendirent l'escalier, Jeanne en tête. En arrivant à la porte de la maison, elle vit le carrosse qui s'était rangé tout contre l'entrée. La portière était ouverte. Jeanne recula vivement en poussant un léger cri. Au même instant, elle se sentit saisie par les deux bras et poussée vers le carrosse. « À moi ! À moi ! » cria-t-elle affolée. Dans la même seconde, elle fut poussée dans le carrosse, dont la portière se referma aussitôt. « Fouette ! » jeta une voix. Le carrosse aussitôt s'ébranla et s'élança au grand trot de ses deux chevaux. Devant la maison, Noé Poisson et Crébillon s'étaient arrêtés, un peu pâles. « La voilà sauvée !» dit Poisson. « Qui sait ? » murmura Crébillon.